Alors, c'est Laurent de Marseille. Ah. Et qui, celle-là? Au deuxième tour, il te l'a envoyé. Ah bon? Oui. Une femme... Alors, hey. Ma chère Samia. Une femme propriétaire de chat arrive en courant prévenir sa voisine qu'il l'a laissé échapper ses chiens de chasse et... Oh là là. C'est quoi ça? Il y a des virgules. Ah non. Mais attends, mais il y a des virgules. Mais oui, mais... Il va y avoir des virgules que tu dis pas. Oh non. Alors, remets-la. Alors, recommence là depuis le début. Il y a des virgules. Allez. Madame, virgule. Ah, voilà. Ah, quand même. Bon. Voilà. Ma chère. Ma chère Samia. Mmh. Une femme propriétaire de chat arrive en courant prévenir sa voisine. Oui. Qui a laissé échapper ses chiens de chasse et lui dit « Madame, vos 5 chiens chassent 6 chats, je veux et j'exige excuses. » Voilà. Oh les salauds. Oh les salauds. Je crois, celui-là, il t'aime pas. Hein.